Écoutez le dialogue, puis répondez par vrai ou faux. Myriam Dupré, vous êtes une chef réputée. Les femmes sont rares dans votre profession. Oui, en effet. Nous sommes peu nombreuses. D'où vous vient votre vocation? Tout simplement de ma mère et de ma grand-mère. Ce sont deux excellentes cuisinières qui m'ont transmis le goût des repas de famille et des plats traditionnels, mais aussi l'envie de faire plaisir à travers de bons petits plats. Je crois que c'est une dimension essentielle de la gastronomie. Pouvez-vous nous citer un plat de votre mère que vous aimez particulièrement? Les tomates farcies. Chaque fois que je vais rendre visite à mes parents, ma mère m'en prépare et je retombe en enfance. Qu'ont-elles de spécial? C'est une recette assez classique, mais ma mère rajoute un peu de cumin à la sauce. C'est délicieux. Et comme dessert? Le gâteau au chocolat de ma grand-mère. Parlez-nous du restaurant que vous venez d'ouvrir à Nice. C'est un restaurant où on prend le temps de savourer, dans un cadre agréable et chaleureux. Les plats de la carte sont assez traditionnels à la base, mais je les ai modernisés et personnalisés. Comment définissez-vous votre cuisine? C'est une cuisine d'auteur, qui dépend des produits et des saisons. Mes influences sont surtout méditerranéennes. J'utilise beaucoup l'huile d'olive, les herbes aromatiques et les épices. C'est une cuisine assez légère qui se prête bien au goût d'aujourd'hui. C'est pourquoi je privilégie le poisson et les légumes. Quels sont vos produits préférés? J'aime utiliser les fruits, les oranges, les citrons, les clémentines, les figues. Ils accompagnent très bien des poissons comme la lotte ou la dorade, mais aussi des viandes, l'agneau ou le lapin. Pouvez-vous nous donner quelques trucs pour améliorer nos recettes? Bien sûr, il y a des astuces très simples. Par exemple, pour le caviar d'aubergine, on peut remplacer le sel normal par du sel fumé. Le cumin accompagne très bien les carottes. On peut aussi mettre des algues kombu dans l'eau de cuisson des pâtes. Est-ce que ces conseils sont tirés de votre livre? En effet, mon livre s'appelle « Les petits trucs de Myriam » et je les applique au quotidien. Eh bien, merci beaucoup Myriam Dupré. Bonne continuation. Merci à vous. Myriam Dupré, vous êtes une chef réputée. Les femmes sont rares dans votre profession. Oui, en effet. Nous sommes peu nombreuses. D'où vous vient votre vocation? Tout simplement de ma mère et de ma grand-mère. Ce sont deux excellentes cuisinières qui m'ont transmis le goût des repas de famille et des plats traditionnels, mais aussi l'envie de faire plaisir à travers de bons petits plats. Je crois que c'est une dimension essentielle de la gastronomie. Pouvez-vous nous citer un plat de votre mère que vous aimez particulièrement? Les tomates farcies. Chaque fois que je vais rendre visite à mes parents, ma mère m'en prépare et je retombe en enfance. Qu'ont-elles de spécial? C'est une recette assez classique, mais ma mère rajoute un peu de cumin à la sauce. C'est délicieux. Et comme dessert? Le gâteau au chocolat de ma grand-mère. Parlez-nous du restaurant que vous venez d'ouvrir à Nice. C'est un restaurant où on prend le temps de savourer, dans un cadre agréable et chaleureux. Les plats de la carte sont assez traditionnels à la base, mais je les ai modernisés et personnalisés. Comment définissez-vous votre cuisine? C'est une cuisine d'auteur, qui dépend des produits et des saisons. Mes influences sont surtout méditerranéennes. J'utilise beaucoup l'huile d'olive, les herbes aromatiques et les épices. C'est une cuisine assez légère qui se prête bien au goût d'aujourd'hui.